On a entendu donc nos 10 nouvelles entrées cette semaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est bien ça. Ce qui veut dire qu'on dit au revoir à 10 autres. Oui, puis ça veut dire Palmaris and Peace. Bon. Adieu. Voici les pièces qu'ils ont quittées depuis les précédents palmarès. Bientôt. Bon voyage.